Yeah. Alors. L'antidote, la famille. Quoi de neuf, les fantassins? Le vice music. Le vice music. Un peu d'autotune. Et ils ont cru que j'avais plus kick. Ah bon? Comment je m'appelle? Acte 2. Le but, c'est de faire un max d'oseille. Un bon mariage, mais y'a que des chiennes. Moi, les filles bien, je les attends toujours comme le McDo Hlel. Ira pour faire les beaux, à défaut de vocation. On parle de calage dans leurs morceaux, te sortent la merco de vocation. 10 ans à rapper comme un fou, on m'a pas remis de trophée. Je fais des morceaux, je leur mets des trous, y'aura pas de buzz ni de projet. Après ce morceau, ils diront tous que j'ai pas les vues que je mérite. Va leur dire que pour faire du flouze, moi je vais passer sur des beats. J'ai de la fierté, je peux pas kicker comme une salange cogite. Je me dis que je peux péter à tout moment comme une capote trop petite. Je prépare l'album, ma belle, je veux mettre tout ce que j'ai dans ce putain de projet pour tous les baisers. Si c'est pas la bonne, j'arrête. Je prends les commandes du navire. Fais pas le show devant le micro, on sait comment tu tapines. On s'est trop rendu fragile, on est trop bon du coup. Ils veulent qu'on crève du leur mon frère. Y'a que le jour où je baisserai leur mère que je serai au fond du trou. J'fais pas du rap pour Tagadji, ni pour des putains de gem. Moi j'ai jamais vu plus sincère qu'un de mes frères sous Bacardi. C'est l'enfer ou le paradis. Pourtant le choix est beau, mais coincé sous le poids des mots. Les petits se prosternent ou braquent. Trop de mal à dire que je t'aime, l'amour ça fait briller la rétine. Je veux pas d'une salope qui de mars à février taille des pipes. Encore un clip sanglant qui fera pas de vue. Maliche, je suis pas de ceux qui donnent leur cul pour avoir un clic d'enfant. On rate nos espoirs, même s'il y en a plus tellement. On a zoné le soir, 13 piges qu'on a buté le temps. Je sais bien que je suis au-dessus, pourtant je les vois qui regardent haut. Je les avais prévenus, ils ont pris le virage de trop. C'est la promesse que je fais, c'est pas qu'un coup pression. Dis-leur que j'ai taffé jusqu'au matin les phases d'un couplet sombre. J'ai stoppé la vodka, je guéris petit à petit. Sourire menteur, petit rappeur, écrit le visage triste. Et dans nos têtes, c'est sans arrêt l'orage. On passe notre vie à faire semblant d'être heureux, quitte à en gâcher nos lives. Et sans lutter, le vent balaye nos traces. J'ai tant sué, rêve amputé, et train de fumer, le temps de cacher nos larmes. L'antidote, la famille. Et ça, c'est qu'un freestyle parmi tant d'autres. Le vice music, l'antidote, la famille.